de cet Internet de possibilités plutôt que de menaces. De remise en question, certainement pour l'industrie, mais de certainement une ère intéressante pour les créateurs. Donc, segment musical à suivre. Non, ce n'est pas du tout ironique. On écoute NoFX qui nous joue Dinosaurs Will Die. Ouais, c'est ça. Voilà. Kick back, watch it crumble. See the drowning, watch the fall. I feel just terrible about it. That sarcasm, let it burn. Gonna make a toast when it falls apart. I'm gonna rain my glass upon my heart. Then someone shouts, that's what they get. For all the years of hit and run, for all the pitch drunk that I'm BH1. When it all, their money go. Don't we all know? Parasitic music industry. Acid destroys itself. We'll show them how it's supposed to be. Music created from devotion, not ambition, not for fame. Zero people are exploited. There are no tricks up our sleeve. We're gonna find again the recipe. We're gonna kill the 7 record deal. Make records that have more than 100 songs. Dinosaurs will slowly die, and I do believe no one will cry. I'm just fucking glad I'm gonna be there to watch the fall. Prehistoric music industry. 3 feet in the gray or dark. Extinction never felt so good. Sadly mistaken. Time has come for evolution. Fuck collusion. Kill the five. Whatever happened to the handshake? Whatever happened to deal no one would break? What happened to integrity? It's still there, it always was. For playing music just because. A million reasons why. Badaigne, les dinosaures vont mourir. Parlant de dinosaures, cette semaine, rapport controversé, en fait, article de Michel Dumais, encore une fois, dans Le Devoir, son dernier, malheureusement, ce qu'on aura appris, sur le rapport Weibo, qui est un rapport publié par l'École des hautes études commerciales de Montréal sur la solution 1000, qui est faite par le CRIM, modèle d'infrastructure en logiciel libre et en éducation, comparativement à la solution offerte par GRIX, qui est la Société informatique des commissions scolaires du Québec. Beaucoup de vagues sur ce rapport qui donne des différences de 57 à 75% au niveau des coûts entre les solutions de logiciels libres, donc à l'avantage des solutions de logiciels libres comparativement aux solutions propriétaires mises de l'avant par la GRIX, et qui pose la question aussi, qui pose une réflexion plus large. Poussé plus loin par notamment Clément Laberge à Québec sur le rôle de la technologie en éducation comme outil pédagogique. Donc, très intéressant rapport. Nid de frelons,

Il n'y avait plus de mal à jupe non plus en stock que j'aurais voulu acheter. Mais pour en revenir à Groovy Aardvark, je me rendais compte que c'est souvent a posteriori qu'on se rend compte de la grandeur d'un groupe. C'est un morceau important de la culture alternative québécoise. J'ai été surpris de retrouver les influences progressistes, punk alternatif de Groovy Aardvark, le côté aussi un peu traditionnaliste, francophone. C'est un des premiers groupes qui a chanté la musique alternative en français. Et tout à fait vrai. Donc, je vous offre une pièce pas du tout influencée par ma qualité de grenouille dans la vallée. Non, non, pas du tout. Ça s'appelle Amphibien. Et ça résume bien plusieurs de ces influences de Groovy Aardvark. Donc, on écoute ensemble Amphibien, extrait de Sévices rendus, le tout dernier de Groovy Aardvark, que j'irai certainement voir en spectacle. Probablement, je vous en reparlerai. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ma façon à moi de faire la transition vers les nouvelles musiques. Vous aurez remarqué, c'est comme un keyword, un métatag. Ouais, c'est ça. Voilà. Je nage dans un rêve en couleur, parallèle et meilleur. La psychose et l'inhibition n'ont aucune définition. Le bonheur est sous-marin, loin des clameurs des terriens. Les voix qui traversent les ondes cessent de surprendre. Allumions, plantons ensemble. Et on peut respirer dans l'eau. Nos gestes sont larges et gros. Et on communique sans parler. Tu crois que les jeter. Les profondeurs, les répits et les jours meilleurs. Et j'entends ce que tu penses dans ce silence. L'indifférence n'a plus de sens. Les poissons qui mangent dans ta main. On connaît les